بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه كومنتي بار أبو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. 43 لسون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، قال المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة في الحديث 85، وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذي لداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. Donc toujours dans le livre de la purification, dans le chapitre du comportement dans l'accomplissement des besoins naturels, selon le Mughira ibn Shu'ba, qu'il est dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: prends un récipient. Ensuite, il s'en alla au point de disparaître et il accomplit ses besoins. Le hadith est muttafaqun alayh. Tamam. المسائل والأحكام والمستفادة من الحديث. مسألة: الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة. Le fait de s'éloigner des gens pour accomplir les besoins. Donc il dit que ce hadith démontre le côté recommandé, le mustahab, de s'éloigner des gens pour aller accomplir les besoins. Et ce fut rapporté par plusieurs sahaba. Également, ce n'est pas que ce hadith, il y en a d'autres qui vont dans le même sens. Taïeb. Il cita plusieurs hadiths dans le sens. Et les hadiths qu'il a cités sont dans le Jami' Sahih de Cheikh Mukbil, rahimahullah ta'ala. Donc il dit ce comportement à avoir, de s'éloigner pour accomplir les besoins, c'est une attitude sur laquelle il y a unanimité que cela est mustahab, c'est recommandé. Ça c'est une chose qu'An-Nawawi a apporté dans son livre, Cheikh Mukhazzab. Par contre, il faut savoir un détail, c'est que ce comportement est lié à la défection, non pas pour l'urine. Quand même, c'est surtout pour le gros besoin, comme on dit. Car on sait que cela dégage des odeurs, ça fait du bruit, certains bruits qui peuvent être assez embarrassants, ce genre de choses, et dérangeants. À même pour l'urine, le fait d'uriner, la chose est plus souple, comme ils disent. Car il fut rapporté dans les deux sahih que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a uriné debout et que Hudhayfa était derrière lui pour le cacher. Quand même, donc l'urine, ce n'est pas comme le fait d'aller à la défection. Et également San'ani fi Subul Salam, dans l'explication du hadith du bédon qui a uriné dans le masjid, il dit parmi les fawaïd de ce hadith, qu'à celui qui veut justement faire les grands besoins, qu'il s'éloigne. Mais pas pour l'urine. Que cela n'était pas connu chez les Arabes, que pour uriner, s'éloigner, partir loin. Et que c'est une chose qui a ensuite, par la suite, a été approuvée par la législation de l'islam. C'est-à-dire que c'est une chose qui était déjà connue chez les Arabes auparavant, et qui était après, par la suite, affirmée et approuvée par l'islam. Taïeb. Aussi un hadith, je l'ai plus en tête, qui est venu également que pour uriner, mathalan, quand tu urines et que tu es à l'extérieur, tu essaies de choisir un lieu où le sol est mou. Car si tu urines sur un sol solide, tu peux te faire éclabousser par ton urine. T'as même, tu peux te faire éclabousser. Par exemple, tu là, comme le sol comme celui en ciment ou un autre, c'est de la pierre, ce genre de choses, en urinant, ça éclabousse. Donc tu le prends de la najasa sur toi, et c'est pour que tu ne t'en rends même pas compte. Des hadiths sont venus, tu les trouves dans le Muntaqa, dans le même chapitre, et que tu choisis des lieux mous, comme ça au moins ça n'en revient pas sur toi. T'as même, ça ne revient pas sur toi. Donc là, de ce hadith, on en tire le son que celui qui va couper ses besoins, et particulièrement les gros besoins, comme on dirait, il s'éloigne. D'accord, il s'éloigne des gens. Mais aujourd'hui, à notre époque, on sait comment c'est fait. Les toilettes sont des pièces isolées, comme de l'île là. Pièces isolées, donc, on va dire que l'objectif est atteint. Car tu es à part. À la base, tu es à part. Mais si jamais tu fais dehors, dans la nature, ou quoi d'autre, plus tu t'éloignes des gens, mieux c'est. Même on dit, par exemple, on pourrait dire que si jamais tu es dans un appart, qu'il y a des gens regroupés dans un lieu, et il y a plusieurs hammams, tu prends plus éloigné. C'est mieux. C'est moins embarrassant pour toi et pour les gens. Naam. Ensuite, il dit, الحديث السادس وثمانون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم وفي الحديث السابع وثمانين وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد والحديث الثامن وثمانين ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء وفيهما ضعف وفي الحديث التاسع وثمانين وأخرج الطبراني والنهي عن تحت الأحجار المثمرة ودفة النار الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. تمام. Donc il dit dans le 86e hadith selon Abu Huraira que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit craignez les deux causes de malédiction, on dira. Ou d'être parmi les deux qui sont maudits. À la base, c'est mal'oun. Donc, il dit celui qui fait ses besoins sur les chemins des gens, sur les routes des gens, ou dans leur coin, dans les lieux d'ombrage sur lesquels les gens prennent de l'ombre. C'est-à-dire sur le lieu ombragé, là où les gens, il y en a qui sont pour les gens, en fait, on va dire. C'est pas toute ombre, ça va venir, Inch'Allah, mais là où les gens se mettent à l'ombre. Le hadith est rapporté par Muslim. Après, le 87e hadith, rapporté par, c'est le même hadith, mais avec un ajout de Abu Daoud, selon Mu'az, qui dit, où les points d'eau. Après, selon Ahmed, ou plutôt rapporté par Ahmed selon Abbas, il dit les mares. Et les deux, il y a du dorf dans ces deux ajouts-là. Et Tabarani, il a rapporté l'interdiction de remplir les besoins sous les arbres fruitiers et sur les rives des fleuves. Une eau courante. Dans Hadith de Ibn Omar, avec un de nation qui est faible. Tamam. Donc il dit après cela. Mas'ala. Ba'du al-amakini allati la yajuzu al-takhalli fiha. Donc certains lieux sur lesquels il n'est pas permis d'accomplir les besoins. Il rapporte le port de Bukudama dans le Mourouni qu'il dit qu'il n'est pas permis d'uriner sur les chemins des gens. Et ni dans les points d'eau. Et ni dans les coins d'ombre, là où les gens prennent pour se prendre de l'ombre. Et il prit comme preuve le hadith d'Abu Huraira qu'on a pris là, plus l'ajout de Mu'adh. L'ajout de Mu'adh rapporté par Ahmed. Après il ajouta qu'il ne faut pas uriner sous les arbres fruitiers, c'est-à-dire au moment où l'arbre a des fruits. Au moment où ses fruits sont apparus. Ils sont mûrs. Qu'est-ce que les fruits tombent sur le lieu où tu as uriné, tu as fait tes besoins ou autre, et ensuite il soit affecté par la najasa. Ah ben si c'est un moment où il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de mal. Car il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les lieux qui étaient préférables pour se dissimuler, pour uriner, parmi eux, les troncs des palmiers, il dit. Donc attention par rapport à ça, c'est un fruitier, ce n'est pas n'importe quand, c'est celui qui a le fruit qui est apparu. Car le fruit, quand il est mûr, il tombe. Et après, il tombe où? Là où les gens ils ont ruiné. Et autres. Quand c'est pas bon. Après, les gens ils viennent, ils vont avoir un truc par terre, un fruit mûr, et ils vont le manger. On sait qu'en général, on rince, tu vois. Mais bon, s'ils savaient ce qu'il y avait là, je pense pas qu'ils l'auraient mangé. Après, il cite la parole des Shafi'iyah, qui eux, ils voient que c'est détestable seulement. Mais ce qui est plus proche de la vérité, c'est que ce n'est pas permis, comme le démontre le hadith. Et il rapporte une parole de Cheikh Al-Othaymin, dans son Sharh Mumti', il dit que la cause de l'interdiction de l'urine, de fait d'uriner dans les chemins des gens, c'est que cela nuit aux passants. Et cela également nuit aux croyants. Et cela, plutôt la fête de nuit aux croyants est interdit. Quand Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Ceux qui nuisent aux croyants, aux croyantes, sans qu'ils ne les méritent, ils ont certes porté un lourd fardeau et un grand péché. Et ce verset, il est âme. Tout ce qui porte préjudice aux croyants, aux croyantes, sans qu'ils ne les méritent, amène à un grand péché. Et on connaît que parmi le niveau le plus bas de la foi, c'est quoi? Quand tu enlèves les obstacles ou tout ce qui peut nuire sur le chemin. Donc là, tu viens, tu en rajoutes. Là où les gens sont en confiance et sont apaisés, tu viens, tu leur mets ce qu'ils ne désiraient pas voir ou trouver. Déjà, je me rappelle en France, qu'on trouvait ceux des chiens dans la rue, qu'est-ce qu'on ressentait? Tu sors de chez toi et tu marches dedans. Franchement, il n'y avait rien de plus agréable. Ils ont même fait des lois pour dire que même chez les koufars, c'est une chose qui aille. À la base, dans la nature, maintenant, quand j'ai la nature, dans la fitra de l'homme, c'est une chose qui n'est pas acceptée. Maintenant, ce que les hommes respectent cela, ça, c'est autre chose. طيب. Après, Choukadi, il rapporte ça par rapport à la parole. Qawluhu wa fi dhillihim. Par rapport à l'ombre. Les coins d'ombre. Quels coins d'ombre ils sont visés dans le hadith? Les coins choisis par les gens, là où les gens prennent ces endroits comme ombre. Ce n'est pas tout lieu où il y a de l'ombre que tu n'as pas d'uriner. C'est les coins d'ombre pris par les gens. Tu sais que les gens viennent ici et le prennent ce coin-là comme ombre lorsqu'il y a du soleil. Donc ce coin-là, ce lieu-là, tu n'accomplis pas tes besoins dedans. D'accord? C'est pas tout ombre dans l'absolu. Ma foi, Mahaza? Après, il dit الحديث التسعون وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك رواه وصححه ابن السكان وابن القطان ومعلول وخذ في صباح كلمة معلول أنها منتقدة ودي معل من الفاق هو في كيبوفا ودي بقى معلول. طيب Donc le hadith selon Jabir, il dit que si jamais deux hommes vont pour accomplir leur grand besoin, alors que chacun est l'un de l'autre, et qu'ils ne discutent pas ensemble, car certes Allah déteste cela. Même, car certes Allah déteste cela. Apporté, authentifié par Ibn Sakan et Ibn Qattan. Et le hadith contient des défaillances. Et le hadith, il est faible. Donc il dit, Mas'alatun al-Kalam Asna Qada al-Hajj. Le fait de parler en accomplissant ses besoins. Il dit que les gens de Shafiriya et de Hanabila évoquent cela détestable. Et leur preuve, ce fut le hadith de Abi Saïd qui a précédé. Mais il est dit que ce hadith, il est faible. Le hadith, je ne vois pas de quel hadith il parle. Par contre. Là, on a pris le hadith de Anas, on a pris Abu Huraira, on a pris Mughira, on a pris Mu'az les faibles, Naam, Na'abes les faibles, Amadou Abu Saïd, on n'a pas pris. Donc, je ne sais pas de quel hadith il fait allusion. Après, il dit que le fait qu'une chose soit makrouh, détestable, cette chose, pour émettre ce jugement, il y a besoin d'un dalil. C'est pour ce cas-là que Cheikh Othaymine, dans son Charles Boumti, a dit quoi ? Qu'il ne convient pas, d'accord, il ne convient pas de parler lorsqu'on a accompli ses besoins. Sauf pour un besoin, une nécessité. Comme l'ont dit les gens du fiqh, les fuqaha, rahimahumullah. Comme par exemple le fait d'indiquer quelque chose à quelqu'un. Ou de parler à quelqu'un sur une chose qui est indispensable, qui a besoin d'une réponse. Donc il a besoin de quelque chose, comme on dit par exemple, tu as besoin d'eau. Par exemple, tu es en train de faire tes besoins. Mais Salen, tu as un besoin indispensable. Tu as besoin d'eau. Ou de choses dans ton sujet, tu n'as pas. Tu peux demander à quelqu'un qui te passe ça, Salen. Ou ce genre de choses. Un calame dont tu as besoin. C'est pas là, tu dis ce que tu racontes ta vie, ça c'est sûr. Donc là, on dit que le fait de discuter ou de parler en accomplissant les besoins, et principalement les grands besoins, c'est une chose qui n'est pas convenable. C'est pas convenable. À la base, déjà, tu es censé t'éloigner. D'accord ? Donc, si tu t'éloignes, c'est qu'il n'y a personne à côté de toi, à la base. Maintenant, s'il s'avère que quelqu'un est à côté de toi, comme dans la Machapahel, tu ne lui parles qu'aussi il y a un besoin. Non. Après, il dit, « Zikrullahi afna qadai al-hajja » le fait d'évoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, en accomplissant les besoins. Que la plupart des savants sont partis au fait que ceux-là sont makrouh, détestables. Se basant sur le hadith d'Ibn Omar, radiallahu anhu, dans Sahih Muslim, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, marra alayhi rajulun wa yaboul, fa sallama alayhi, fa lam yarud al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train d'uriner et un homme est passé, il lui a passé le salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas répondu. Également un hadith rapporté par Ahmed ou Abu Daoud et autres que eux deux, sur le hadith de Muhajir, Ibn Kanfaz, قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدْ عَلَيَّ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيَّ فَقَالَ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ. Donc il dit, je suis Muhajir, il dit quoi? Je me suis rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il urinait. Je lui ai passé le salam, il n'a pas répondu, c'est ça ce qu'il a fait le dos. Ensuite, il s'est excusé auprès de moi en disant que je déteste évoquer Allah sans être en état de purification. Donc après, il cite une parole de Nawawi qui va dans le même sens et disant que cela, par contre, et détestable et non pas interdit. Ce n'est pas haram. D'accord, ce n'est pas haram. Parmi ceux qui ont cité que cela n'était pas haram, il y a Ibn Abbas. Et d'autres parmi les tabi'in. Un point qu'on a oublié d'évoquer hier dans le... Même là, ici, dans le fait de... du zikr dans les toilettes, par exemple, c'est un point aussi où il faut faire attention, c'est les sonnettes portables. Beaucoup de gens mettent aujourd'hui des sonnettes portables avec l'adhan, ou certains même, des fois, ils mettent du Coran, des choses comme ça, où il y a le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le portable, par exemple, tu rentres aux toilettes avec, et il sonne. À la main, à cela. C'est un tambih que Cheikh Yahya avait déjà fait plusieurs fois. Ça ne convient pas de faire ça. Là, c'est justement un manque de considération vers la législation. Il a dit même, les portables, les sonnettes portables, ce n'est pas fait pour mettre de la religion comme ça. Tu mets une sonnette normale. C'est pas, tu mets... même la parole d'un savant qui fait le muhadara ou ce genre de choses, il a dit, il n'y a pas besoin de faire ça. Pas la peine. Mais une sonnette normale, ça suffit. Pas la peine de faire tout ça. T'as qu'à l'ouf. Mais il fait, il a. Quand tu te charges de choses, sont vraiment d'intérêt, voire même plus, pour t'amener à des choses détestables. Comme le fait que ton portable sonne, par exemple, tu es aux toilettes. Il y a Adam et Asla, ça ne te convient pas. Voilà. Mafoumadi Masail, donc celui qui va accomplir ses besoins, qui s'éloigne, et principalement pour les grands besoins, pour ce qui est d'uriner la abaisse. Les lieux interdits d'accomplir les besoins dans la nature, d'accord, sur les rives d'eau, tarte en dessous des arbres fruitiers, lorsque les fruits sont mûrs, sur les chemins des gens, et dans leur coin d'ombre. Et également le fait, lorsqu'on fait les besoins, qu'on est à plusieurs par exemple à les faire, on s'éloigne les uns des autres, et encore moins on discute. Le hadith il est faible, mais le jugement il est effectif. Ma foi, ma hada. طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.